Alors, ces cours d'écoute anthropologique du 19 mars 2016. Alors, bon, je vous parlais de l'Œdipe d'une façon originale, c'est-à-dire pas de la façon dont Freud en parle. Je vais comme, mettons, partir de ce que Freud en dit, mais amplifier anthropologiquement la version freudienne de l'Œdipe, en disant que le mythe d'Œdipe comporte trois étapes. La première, la plus connue, lorsque Œdipe tue son père, roi de Thèbes, et épouse sa mère. Cette première partie a un caractère paternel, puisque c'est du meurtre du père qu'il s'agit. Il convient donc de l'appeler l'Œdipe paternel. Dans une deuxième partie, la mère et le fils jouissent en toute naïveté de leur situation exceptionnelle. Le père est mort, leur jouissance n'a donc plus de contraintes. Pourtant, vers la fin de cette période, il y a sans doute le sentiment confus qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Le père est absent depuis si longtemps qu'il doit sûrement lui être arrivé quelque chose. Les gens décident alors de multiplier les règles pour faire comme si le père était encore présent. Sans compter que Œdipe, durant cette période, a eu quatre enfants qui sont en réalité ses frères et sœurs. Donc, un sentiment de fraternité commence à prévaloir, qui se confond avec le vague sentiment que le père pourrait avoir définitivement disparu. J'ai nommé ce moment l'Œdipe fraternel. Il correspond, à mon avis, à la logique de la névrose obsessionnelle, où on multiplie les contraintes pour faire comme si le père était encore là. Cette période aurait duré très longtemps, n'était-ce que l'épidémie de peste qui a frappé la ville de Thèbes. C'est ainsi que commence la troisième étape de l'Œdipe. Tout le monde s'interroge sur les causes de cette punition infligée par le sort. Quelqu'un aurait-il commis un crime si abominable que toute la ville en subirait la vindicte divine? C'est là qu'intervient le devin Tirésias, qui révèle le poteau rose. La révélation du secret va modifier totalement les rapports entre Œdipe et sa mère, les rapports à l'intérieur de la cité, et enfin les rapports entre la cité et son environnement géographique. C'est ici que commence la période narcissique de l'Œdipe. Œdipe se crève les yeux. Il ne voit plus désormais que lui-même de l'intérieur. La cité se débarrasse définitivement il ne voit plus désormais que lui-même de l'intérieur. La cité se débarrasse définitivement de son système symbolique, qu'elle remplace par un système politique incarné par Créon. La cité, enfin, ferme ses portes et coupe ses liens avec son environnement. Et Théocle et Polynice, qui auraient dû alterner au pouvoir, se font la guerre à mort. La fermeture de la cité sur elle-même transforme le monde extérieur en univers hostile incarné par Polynice, qui va liguer plusieurs villes contre Thèbes. À sa mort, il sera laissé à la merci des animaux sauvages, alors que Éthéocle, qui incarne l'intérieur fermé, va être enterré avec tous les honneurs du chef d'État. Alors, on a donc trois étapes dans cet Œdipe. On a un Œdipe paternel, un Œdipe fraternel et un Œdipe narcissique. Il y a comme trois variations dans l'idée de rivalité, si vous voulez. Entre la première et la deuxième étape, entre l'Œdipe paternel et l'Œdipe fraternel, le changement est à peine perceptible. Le père est mort, mais on n'en est pas très sûr. Le nouveau père est un frère, mais on n'en est pas très sûr non plus. On est juste étonné de cette absence de contrainte qui crée comme un malaise. Entre la deuxième et la troisième période, pourtant, la différence est très massive. Tout ce qui se faisait jusqu'à présent avec naïveté s'est révélé incestueux. Devant cet effroyable scandale, chacun doit se replier sur lui-même et éviter tout contact avec autrui, par crainte qu'il ne se révèle incestueux. Tout ce qui est hors de soi, tout ce qui est hors de la cité, devient menaçant et dangereux. Bon, dans ce texte, j'ai travaillé un petit peu l'histoire de l'Égypte à partir de ces trois périodes, mais bon, je pense pas que ce soit intéressant pour vous. Je vais voir s'il y a d'autres passages qui pourraient être intéressants. Alors, ouais, peut-être ce qui est intéressant ici, c'est l'idée d'homogénéité derrière la muraille. C'est-à-dire que dans la troisième période de l'Œdipe, il y a une muraille et puis ce qui est à l'intérieur est homogène. Hein, et elle s'oppose à ce qui est extérieur. Pourquoi l'intérieur doit être homogène, ou bien s'il n'est pas homogène, doit être rendu homogène? C'est parce que on a un sentiment de danger. Un sentiment de danger qui fait que on doit trier dans la population ceux qui sont susceptibles de trahir et ceux qui sont fidèles. Pourquoi? Parce que l'extérieur est dangereux, donc l'extérieur peut utiliser des gens à l'intérieur pour attaquer. L'infiltrer. De toute façon, Polynice, après tout, était un des fils d'Édipe, un des rois de Thèbes, et il a trahi lui-même. Donc, il fallait le mettre dehors, puis le tuer, puis le laisser à la merci des animaux sauvages pour bien montrer combien un traître, comment un traître doit être puni. Donc, cette période, si vous voulez, cette troisième période de l'Édipe, est à mon avis la période phallique, si vous voulez. Hein? Pourquoi c'est une période phallique? C'est une période phallique parce que le système symbolique est écarté. Et le système symbolique, c'est un système où il y a des oppositions de signifiants. C'est un système qui est très lié à l'objet partiel. Alors que on n'a plus, dans le cas de cette troisième partie de l'Édipe, on n'a plus qu'un système politique. On a écarté le système symbolique et on n'a plus qu'un système politique. Et dans le système politique, c'est là qu'on a des entités. Hein? On a des entités qui sont fermées sur elles-mêmes, comme Édipe qui s'est crevé les yeux, comme la ville qui s'est refermée derrière une muraille. Les objets n'ont pas de porosité par rapport à ce qui les environne. Les objets se constituent comme entités. Ils ont une intégrité, ils ont une unité qu'ils n'avaient pas auparavant. Auparavant, les objets avaient une porosité. Ils étaient ouverts à l'autre, ils étaient ouverts à l'opposition de l'autre et leur amplitude pouvait varier en fonction de la pression de l'autre ou de la faiblesse de cette pression. Les objets étaient en quelque sorte mélangés les uns aux autres, alors que dans la période narcissique, la période en fait qu'on peut dire phallique, les entités sont bien campées et sont protégées du monde extérieur. Elles deviennent des entités. Il y a quelque chose de rigide dans ça. De rigide, mais en même temps de confortable pour l'esprit. L'esprit est heureux de voir que cette entité est stable et va rester égale à elle-même. C'est pour ça que c'est une période narcissique, que l'entité reste égale à elle-même. Alors que avant, les entités, enfin les êtres étaient continuellement changeants. Là, je ne suis plus continuellement changeant, je suis au contraire continuellement égal à moi-même. J'ai une stabilité que je n'avais pas auparavant. Actuellement, si vous voulez, les religions politiques qui sont très répandues en ce moment et qui prennent beaucoup d'extension peuvent très bien représenter cette période narcissique de l'Édipe. Je pense par exemple aux frères musulmans en Égypte. Ce texte traite beaucoup de l'Égypte. La première chose qu'ils ont fait, les frères musulmans, c'est de brûler les églises, par exemple. Pour eux, il faut se fermer sur soi-même et rejeter tout ce qui n'est pas soi. Tous les mélanges possibles sont intolérables. Chaque chrétien est une menace. Même chose en Israël. Les Juifs sont autour de même. Chaque Palestinien est un danger. C'est un peu le propre de la religion politique. Peut-être que ce qui représente le mieux les religions politiques, c'est la muraille. Ou plutôt, la muraille représente ces religions à leur moment ultime, lorsque l'Édipe narcissique leur a permis de réaliser l'homogénéité totale à l'intérieur des murs de la cité ou à l'intérieur des murs de l'individu. Quand on se crève les yeux, on a fermé les portes de la muraille. Vous voyez, ça c'est une des propriétés intéressantes de l'écoute anthropologique, c'est de pouvoir mettre en rapport la cité de Thèbes derrière ses murailles avec Édipe qui se crève les yeux. Hein? L'écoute anthropologique me permet de faire un rapport entre ces deux êtres, hein, qui sont dans la même position. Ok, parce qu'on peut faire une sorte de boucle avec ça aussi. On peut prendre des façons diachroniques et après on peut dire ça, que même ici, dans ces places, c'est une répétition de ces contenus, quelque chose comme ça. Oui, mais quand je m'aperçois qu'il y a une répétition, je change de ligne dans le tableau. Ok, directement. Okay. Oui, je vais à la case qui correspond et je le mets en dessous de la case. Ok. Tu vois? Donc le diachronique et le synchronique se retrouvent dans le tableau, puisque c'est un tableau à deux dimensions. Mm-hmm. Tu vois? Donc la muraille représente ces religions politiques à leur moment ultime lorsque l'Édipe narcissique leur a permis de réaliser l'homogénéité totale à l'intérieur des murs de la cité ou à l'intérieur des murs de l'individu. Cet accomplissement, entre guillemets, présuppose qu'on a expulsé ou tué tous ceux qui ne correspondent pas au modèle souhaité. Beaucoup de mythes et d'auteurs ont signalé le phénomène sans forcément le rattacher à Édipe. Dans le mythe, par exemple, de la fondation de Rome, la cité de Rome se démarque du Latium, hein, la région de Rome, c'est la région du Latium. Donc la cité de Rome se démarque du Latium et du monde lorsque Romulus va tracer le sillon de la muraille. Donc vous allez vous rappeler l'histoire de Romulus et Rémus. Romulus, il trace avec une charrue et des bœufs le sillon qui elle va faire le tour de la cité. Je me rends compte à présent que la cité de Carthage aussi, les murailles de la cité de Carthage sont aussi liées aux bœufs. Parce que la princesse Elissa, qui est une princesse phénicienne et qui avait fui la cité de Tyr en Phénicie, qui avait été jusqu'à Carthage en Tunisie pour fonder la cité de Carthage, elle avait demandé la permission aux habitants de cette zone de fonder sa cité. Alors, le roi des Numides, hein, qui s'appelait Massinissa, il lui dit, écoutez, vous pouvez construire une cité aussi grande qu'une peau de bœuf. Alors, Elissa, qui était pleine d'astuces, elle a pris une peau de bœuf et puis elle l'a découpée en lanières. Et c'est cette lanière qui a entouré la cité. Donc sa cité était bien plus grande qu'une peau de bœuf grâce à ce subterfuge. C'est amusant. Et là, on voit Romulus qui, avec des bœufs, trace le sillon qui va faire le tour de Rome. Hein, c'est intéressant. Alors que son frère Rémus va se trouver, dès le moment où il trace le sillon, son frère Rémus va par inadvertance traverser le sillon et va être tué par un des gardes de Romulus. Et il sera enterré au-delà de la muraille. Ah ben voilà. De la même façon, vous voyez, j'avais écrit ça déjà. De la même façon, Carthage va se démarquer de l'Afrique lorsque la reine Didon, moi je disais Elissa, elle a deux noms. Elle s'appelle Elissa et Didon. Didon, je pense que c'est son nom romain. Hein? Là, dans l'histoire de Didon et Énée, vous connaissez l'histoire de l'Énéide. C'est un récit mythologique qui a été écrit par Virgile et qui raconte comment Énée, qui est un des enfants de Priam, le roi de Troie, a quitté Troie et s'est sauvé de proie en flammes et a fait un périple qui l'a amené à Carthage où il a rencontré Didon, il est tombé amoureux d'elle, puis il a dû la quitter pour aller fonder Rome. Et ça, c'est un des récits de la fondation de Rome. Donc, la reine Didon, qui s'est faite offrir une terre aussi grande qu'une peau de taureau, va découper cette peau en très fines lanières pour tracer les contours de Carthage. Le taureau mort ainsi que l'Afrique vont se retrouver au-delà des murailles de Carthage. Ces mythes, tout en étant dans la même logique de rupture entre la cité et son terreau d'origine, insistent, c'est important, sur la gémellité, sur l'identité des jumeaux ou l'identité des frères. Romulus est le frère jumeau de Rémus. Carthage et le jumeau de la peau de taureau, si vous voulez. L'identité citadine apparaît au moment où l'Œdipe narcissique impose la rupture entre la cité et sa terre de naissance. Sur le plan individuel, l'Œdipe narcissique s'applique de la même façon. Freud avait observé l'enfant qui découvre pour la première fois hors de lui ses matières fécales. Donc là aussi, on a la preuve que s'il y a des matières fécales, c'est que lui, il n'est plus, il ne contient plus ces matières fécales, donc il a des limites. La surface corporel de la peau est ici à la place de la muraille des mythes précédents, tandis que les matières fécales sont à la place de ce corps gisant sous la muraille, dont on ne sait s'il faut l'enterrer ou pas. Ça, c'est le mythe, l'histoire de Créon. Vous connaissez l'histoire de Théocle et Polynice, et puis leur sœur Antigone. Antigone, c'est ça. Vous connaissez l'histoire d'Antigone? Non. Je m'en souviens plus. Ben, lorsqu'il y a eu la querelle entre Théocle et Polynice, qui sont les deux fils d'Édipe, donc Polynice s'est allié avec 7 autres villes contre Thèbes. Donc il a allié des soldats de... Donc il a trahi Thèbes, si vous voulez. Donc Créon, qui est le frère de Jocaste, la mère d'Édipe, la mère épouse d'Édipe, va condamner Polynice à ne pas être enterré et à rester à la merci des animaux sauvages sous les murailles de Thèbes, au vu et au su de tout le monde. Et Antigone, qui est fidèle aux traditions du système symbolique, si vous voulez, les traditions communautaires, ne peut pas admettre l'idée que son frère ne reçoive pas un enterrement. Et va aller durant la nuit jeter de la terre sur le corps de son frère. Et Créon, sachant cela, va l'enterrer vivante. Dans Thèbes, évidemment. Il va la refouler. Hein. C'est tout ce qui est... C'est ça, au fond, peut-être l'exemple premier du refoulement. Tout ce qui a un rapport positif ou favorable avec ce qui est différent de moi, doit être refoulé, doit être enterré vivant. Antigone continuait d'aimer cet ennemi de Thèbes qui était Polynice, donc on va la refouler et l'enterrer vivante. Donc vous voyez comment l'impératif d'homogénéité politique va provoquer le refoulement du système symbolique en la personne d'Antigone. Ce qui arrive en ce moment, par exemple, concernant l'islam et les musulmans, est tout à fait dans le même ordre d'idées que cette affaire-là. Les musulmans de France, par exemple, seraient susceptibles d'être sympathiques envers les intégristes. Donc, dans cette période de tension, ils vont se refouler eux-mêmes, voire être refoulés. Donc, même s'ils n'ont aucun rapport matériel avec les intégristes, ils sont écartés spontanément par les... Et c'est là qu'on voit apparaître une France qu'on ne connaissait pas avant, une France blanche, une France très blanche, alors qu'avant elle était black blanc beurre, c'est ça. Même maintenant, elle devient blanche. C'est comme... Lacan, oui, alors ça c'est intéressant ça. Lacan a produit un mythe similaire pour comprendre le même phénomène. À la différence près que le jumeau, au-delà de la muraille, au lieu d'être rejeté, devient inaccessible. Il s'agit du stade du miroir. Ici, la surface corporelle se différencie de l'image de soi, tout en lui étant bien entendu très semblable. Alors, vous voyez, voyez le rapport qu'on peut faire entre Éthéocle qui est enterré à l'intérieur et Polynice qui est laissé visible à l'extérieur. Et le stade du miroir, où moi je suis là et je vois mon image dans le miroir. Alors mon image dans le miroir, c'est Polynice qui est enterré à l'extérieur et qui est inaccessible. Et moi je suis Éthéocle qui... voyez. Donc ça aussi, cette similitude entre le stade du miroir et l'histoire de la période narcissique de l'Édipe, cette similitude est à mettre sur le compte de l'écoute anthropologique aussi. Hein, parce que... Autrement, on n'aurait pas pu la voir. Okay. Vous voyez? Avec Lacan, la question identitaire produite par l'Édipe narcissique atteint beaucoup plus nettement sa dimension narcissique. Ce n'est plus une question de bataille entre deux frères, c'est un rapport problématique entre quelqu'un et son image au miroir. On se rappelle que Narcisse avait été condamné à aimer sa propre image, ce qui était pour lui un véritable supplice puisqu'elle lui était à jamais inaccessible, contrairement à l'image d'autrui à laquelle il pouvait avoir accès régulièrement, parce que quand Narcisse a été condamné à aimer sa propre image, c'est en réalité, il est condamné à aimer l'image que les autres voient de lui. Hein? Donc, c'est une image à laquelle il n'a accès qu'à travers les autres. Il ne peut pas l'atteindre par lui-même. Donc, il aime l'image de lui-même qui est possédée par les autres. Possédée par lui. Et ça, c'est une problématique. L'image de lui-même qu'on lui renvoie. qu'on lui renvoie ou pas, mais dont l'autre a la libre disposition. C'est-à-dire. Non, c'est pas possédé par lui. C'est toujours l'image, c'est toujours étrangère, non? C'est-à-dire que c'est l'autre qui dispose, qui est le maître de cette image. Et donc je dois sans cesse le supplier pour qu'il me la donne ou qu'il m'en donne une partie. Ou qu'il, donc je suis tout le temps en train de m'identifier à l'autre pour aller le chercher. Je suis pris dans le cycle des identifications incessantes à autrui pour que je puisse m'approprier cette partie d'image qu'il a avec lui. Les narcissiques sont toujours en train de se jeter au milieu de la foule et de se faire regarder par tout le monde. Parce que l'objet qu'il cherche, c'est la propre image. Et la seule façon qu'il puisse avoir accès à cette image, c'est en se donnant à voir. Si je me donne à voir, je peux apercevoir l'autre qui me regarde, et donc je peux avoir peut-être une étincelle de cette image que je cherche. Vous voyez? Bon, alors, là je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est le fondateur de la sociologie. Il a vécu au XIVe siècle. En Afrique du Nord. Et il a théorisé la différence entre le monde nomade et le monde urbain. Et il a vécu à une période particulièrement difficile où il y avait des invasions barbares et où les cités d'Afrique du Nord étaient continuellement menacées par des invasions de nomades. Et il a... Mais temps pas changé. Ah, c'est vrai que... J'ai son œuvre ici. Il a écrit... il a écrit cette œuvre-là. C'est un monument. Un discours sur l'histoire universelle. C'est tout à fait passionnant. C'est le résumé, c'est ça? Il n'y avait pas un résumé. Le résumé de l'histoire universelle. Mais c'est, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte de... d'analyse de l'histoire, des choses comme ça. Il fait une analyse historique et sociologique de l'histoire des conflits entre la cité et les nomades qui tournent autour de la cité. L'histoire des rapports entre la cité et les nomades. Et aussi, il y a une partie où il fait un bilan de la science de son temps. Vraiment un bilan encyclopédique. C'est une des premières encyclopédies là, que... Dans la pensée de Ibn Khaldoun, le sociologue et historien bien connu, chaque muraille est comme en attente des nomades barbares qui l'environnent. Ceux-ci vont finir par envahir la ville et installer une nouvelle dynastie au pouvoir. Curieusement, avec les religions politiques, le phénomène d'envahissement relève presque de l'impossible. Premièrement, parce que lorsqu'elle est attaquée, l'agression fortifie l'homogénéité d'une religion politique et par suite sa puissance militaire. Deuxièmement, parce que les religions politiques répugnent à envahir une population qui viendrait polluer la pureté de leur homogénéité. Sauf si elles considèrent que ce peuple est inexistant ou bien qu'il n'a pas encore atteint la dimension humaine, comme le cas s'est présenté à plusieurs reprises durant notre glorieux XXe siècle. Enfin, ça, c'est... Bon, je pense que... Bon, c'est pour dire que, si vous voulez, le rapport au monde extérieur est différent, là. Alors, ce que Ibn Khaldoun dit, c'est que la vocation des nomades qui sont autour de la cité, c'est d'envahir la cité. C'est leur vocation. Et quand ils envahissent la cité et qu'ils installent un régime politique nouveau, ce régime politique ne dure que 4 générations. Et il explique pourquoi il s'agit de 4 générations. Il dit parce que la première génération, c'est la génération de la conquête, ceux qui ont conquis la ville. Les fils de cette première génération, ils n'ont pas l'expérience de la conquête. En revanche, ils ont eu un accès direct à l'information sur cette conquête et les raisons de cette conquête. La troisième génération, ils ont l'information, mais cette information est relativement vide de sens. Et la quatrième génération, ils s'imaginent être... Ils ont perdu le souvenir de tout le passé et ils s'imaginent qu'ils sont prédestinés à être au pouvoir et que ce pouvoir leur revient par nature. Et c'est cette génération-là en général qui perd le pouvoir parce qu'il y a une nouvelle invasion nomade qui vient redonner de la vitalité à la cité, qui a perdu cette vitalité au fur et à mesure des 4 générations. Ça, c'est la théorie, qui est une théorie très intéressante, en fait, qui pourrait s'appliquer aux humains aussi bien. Souvent, là, comment les humains ont aussi tendance à s'installer dans une douce quiétude et ont besoin de recevoir des inputs extérieurs pour pouvoir se revitaliser. Voilà, alors écoutez, je... Bon, je pense que ce texte, j'en ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Comment ça s'écrit, son nom? Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun. Alors, comme c'était un théoricien du nomadisme, si vous voulez, à un moment donné, il était à Damas. Décidément, aujourd'hui, Damas revient souvent. Quand Tamerlan a mis le siège sur Damas, alors les gens de Damas ont mandaté Ibn Khaldoun pour aller parlementer avec Tamerlan. Et il est resté 35 jours à bavarder avec Tamerlan. Et à prendre des notes et tout ça. C'était donc un moment intéressant. Mais ça n'a pas empêché Tamerlan de détruire Damas. Bon, je pense que... On abordera Parménide peut-être un autre moment dans la journée. Je pense qu'on en a assez dit comme ça. On va laisser mûrir l'idée de la muraille au fond. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de ce moment où naît la muraille, en vous disant que la muraille n'a pas toujours été là. Et la muraille est un moment politique et n'est pas un moment anthropologique. Et notre travail dans l'écoute anthropologique, c'est de retrouver le temps où la muraille n'était pas là, au fond. Et où les contacts avec l'extérieur étaient plus libres, où il n'y avait pas de muraille, où les portes étaient plus ouvertes. C'est finalement donner une flexibilité au système. C'est ça. C'est de ne pas être nécessairement pris par ses destins. C'est ça. Et mais ça monte à loin. Pas forcément. C'est pas un temps archaïque. C'est pas temps de retrouver, mettons, avant la permanence de l'objet. Non. Non. C'est une autre logique, si vous voulez. C'est d'aller trouver une autre logique que celle de la permanence de l'objet. Parce que même quand on est familier avec un certain nombre d'objets qui sont permanents pour nous, il en reste toujours un certain nombre qui ne le sont pas permanents. Dans notre propre univers mental, c'est sûr que le centre de notre univers est constitué par des objets permanents, mais on a une périphérie de notre psychisme qui est constitué par des objets qui ne sont pas permanents, qui sont partiels. Donc, il n'est pas difficile de les retrouver. Il faut juste comme instaurer une atmosphère où ça cette autre logique est acceptable ou acceptée. Une logique qui n'est pas oppositionnelle. Une logique où il n'y a pas de muraille. Une logique où les mélanges sont pensables. En tout cas, il y a, j'avoue que c'est ici que j'ai le plus de mal à définir comment psychologiquement instaurer cette logique-là. C'est l'interprétation qui donne place à ça un peu, non? Oui. C'est logique un peu. C'est vrai. Mais il y a une atmosphère de séance aussi qui joue un certain rôle. Il y a comme une atmosphère de séance à instaurer où dans quel sens une atmosphère comme... Une atmosphère, par exemple, où la question d'avoir raison ou pas n'est pas pertinent. Ah, ok. Parce que dès qu'il y a une question d'avoir raison ou pas qui intervient, là on a tout de suite une muraille et on a une autre logique qui s'est introduite. Donc la logique narcissique est venue polluer ma logique anthropologique, si tu veux. Je dirais, bon, il y a ce que Freud appelait la tension flottante ou la bienveillante, comment il disait? Neutralité bienveillante, oui. Comme dans le code de déontologie. Oui. je sais pas comment caractériser au fond cette atmosphère, mais pas oppositionnel, on pourrait dire pour le moment. Au moins ça, oui, c'est ça. Une plus grande confiance. Oui. On accepte de jouer dans quelque chose qui est moins organisé ou qui n'est pas dans le sens de la logique. Oui, par exemple, aussi, puisque la logique, c'est déjà une muraille, hein, puisque dans la logique, il y a le vrai et le faux, le bien et le mal. C'est... Oui, je le vois. Côté de la notion du transfert lacanien, d'un savoir qui possède, oui, qui n'est pas inscrit en nulle part, n'est pas du côté du il n'y a pas un discours, il n'y a pas une muraille. Un savoir. Exactement, c'est un trou, c'est une chose qui sort de quelque chose qui est là et quelque chose qui n'est pas là. Ouais. C'est quelque chose qui commence à se chercher entre deux, quelque chose comme ça. C'est ça, je dis facilement mes doutes, mes hypothèses, mais je n'hésite pas à dire ces choses. Je dis, écoutez, j'ai pensé à ce moment, quand vous m'avez dit ça, j'ai pensé à ça. Puis y a comme une certaine limpidité ou transparence. Mais j'aime pas beaucoup le terme de transparence, là, mais... Oui, et en même temps, c'est les... On retourne ce qui était dit. C'est, oui. On ne retourne pas d'autre chose, on dit ce qui était sur le... Voilà, je n'ai pas un savoir. Exactement. Je n'ai pas un savoir. J'ai juste une technique. Mm-hmm. Je dis, voyez, il y a ça, puis il y a ça, alors on pourrait penser ça. Mm-hmm. C'est que je... C'est pas je pense que par la théorie que... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de position de savoir, effectivement. Et, oui, j'ai même besoin de voir la différence entre l'écoute anthropologique puis l'écoute flottante. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Tout à fait. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence. Surtout quand j'ai progressivement migré. Mais... bon, d'abord, il y a une différence au niveau de l'efficacité thérapeutique. Okay. Ça, c'est sûr que... Je n'ai aucun doute là-dessus que l'écoute anthropologique est de loin plus efficace que l'écoute psychanalytique. Et plus intéressante parce qu'elle est continuellement novatrice. Tous les jours, chaque séance est, découvre quelque chose pour moi et pour le patient. Il y a un travail qui se fait qui fait qu'on découvre tous les deux quelque chose de nouveau chaque fois. Ce n'est pas quelque chose que je sais déjà que j'applique sur lui. Vous voyez? C'est ça la nuance. En même temps, dans une thérapie, ben moi, tu sais, je ne veux pas comparer nécessairement de la psychanalyse, mais plus de la thérapie analytique, quelque chose de plus souple. Il me semble que. Il y a quand même à chaque séance quelque chose d'unique ou de nouveau, même s'il peut y avoir un fil là, entre les séances. Oui. Enfin, écoutez, c'est sûr que la nuance est petite. Pour moi, la différence peut-être la plus évidente se situe entre à un moment donné, je vous en avais parlé, entre le système géocentré et le système héliocentré. Hein? Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Bon, avant Galilée, avant Copernic, la Terre était le centre de tout et elle ne voyait l'univers qu'à travers elle-même. Hein? Mais tout ce qu'elle ressentait, la Terre, toute la façon qu'elle avait de regarder les étoiles et les planètes, et le Soleil et tout, était vrai, mais était centré sur elle. Hein? C'est pas que c'était faux. C'était centré. Alors que lorsqu'on a instauré le système héliocentré, on a dit c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, le système géocentré n'a pas disparu, mais il n'est plus qu'un élément du système. Mm-hmm. Hein? Ah, tu sais, c'est une, il y a une extension, quelque chose comme ça, de ce... monde symbolique qui était comme trop... Ouais, je suis une partie de tout un énorme système. Donc ce que je ressens est juste, mais ce que je ressens n'est qu'une partie de la vérité. Tu vois? C'est un peu cette différence que je ferai entre... une écoute centrée sur le savoir analytique accumulé, hein, qui est l'input que je reçois du patient, et une version plus vaste, plus anthropologique, où les comportements du patient ou les désirs du patient sont mesurés non seulement au désir qu'il a, mais au contexte dans lequel ces désirs sont apparus, par exemple. Okay. C'est le lien avec le contexte. C'est ça, il y a une question de contexte. Bon, quand, par exemple, quand quelqu'un a un cauchemar, comment on va analyser le cauchemar? C'est d'autant plus embêtant que le cauchemar, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même cauchemar qu'il fait. Hein. Qu'est-ce qu'il va inventer de nouveau ce jour-là? Quelles associations libres il va pouvoir faire sur un cauchemar qu'il a fait 100 fois déjà, hein. C'est difficile de voir les choses comme ça à ce moment-là, de lui demander des associations libres. Il faut vraiment installer le cauchemar dans un contexte, des événements de la journée, dans un contexte des sensations du corps. Voilà, les sensations du corps sont des objets partiels. Sont des objets partiels aussi. Donc il faut en tenir compte, alors que la psychanalyse ne s'occupe pas des sensations. Voyez. Alors, si je mets les événements de la journée, donc les événements de la vie quotidienne, si je mets les sensations du corps, et là je peux mieux comprendre le cauchemar, hein, et je peux en déduire quelque chose. Peut-être, je vous donne l'exemple de... ça c'est intéressant. Je vais laisser l'enregistrement parce que c'est important. J'ai une patiente, par exemple, qui a fait des accidents de la route. Et suite à ces accidents de la route, elle a développé des troubles fonctionnels et douloureux. Okay. Sans compter les cauchemars. Comment aborder une situation pareille qui, au fond, est très pauvre en association libre. Alors, je suis obligé, dans ce cas-là, d'aller chercher la sensation. Hein, puisqu'il y a de la douleur, je suis obligé de travailler sur la douleur. Le niveau de douleur. Comment ça se fait que cette personne a des douleurs importantes alors que il n'y a rien dans son corps qui justifie cette douleur-là? Comment expliquer cette douleur? Cette femme, par exemple, elle a un blocage total de tout son bas-ventre. C'est-à-dire, elle a une constipation infinie, elle souffre de vaginisme, elle souffre de rétention d'urine, elle a des douleurs musculaires qui lui vont dans le dos et qui provoquent des douleurs sciatiques. Donc cette zone-là est complètement figée. Pourquoi ? Pourquoi cette zone est complètement figée ? Il n'y a aucune raison pour que un système musculaire, un système nerveux, érotique, un système digestif cesse de fonctionner en même temps. Ça n'a aucun sens. Mais ça a comme réactivé un traumatisme. J'ai exploré cette question-là. Bon, selon elle, il n'y avait pas de traumatisme. Parce que moi, j'en ai eu une déjà, que j'ai pas réussi vraiment à traiter, mais un accidenté de la route comme ça, qui avait des douleurs là, dans le corps. Puis elle, c'était beaucoup... en tout cas, elle associait beaucoup sur un abus quand elle était enfant. Oui. Bon, mais ça... C'est intéressant, là, parce que ça permet d'aller chercher des sensations, de l'émotion, tout ça, là, c'est... Mais en même temps, quand vous dites que les psychanalystes ne s'occupent pas des sensations, les clients, eux, ils s'en occupent. Oui. Dans le sens que, même si le... Tu sais, moi, je savais pas ça, mais je... Si je me mets dans une position d'être patiente, moi j'ai toujours pu parler de mes sensations en thérapie, puis ça m'a même, la thérapie, beaucoup comme rendu mes sensations, tu sais, très... j'ai ça, là, à cette heure, je me sens plus dans mon corps, dans... Ça m'a rapproché de mes sensations, mettons. Oui, c'est dans ce sens-là que je me dis, c'est ça, je comprends pas. Mais votre analyste, est-ce qu'il a déjà interprété les sensations, c'est ça? Est-ce qu'il en a fait quelque chose de vos sensations? Oui, il les a intégrés, comme il intégrait le contenu que j'amenais. Là. J'amenais du contenu de sensations autant que du contenu, peu importe. Là. Moi, lui, il intégrait tout ce que j'aimais, peu importe ce que j'aimais. Ben, écoutez, c'est une bonne chose. C'est comme si je ne sens pas ça, là, qu'il n'y avait pas d'intérêt. Ben, c'est que souvent, la sensation, on ne peut rien en dire. C'est ça le problème. C'est pour ça que... Puis, mais on peut en faire parler. Comme quelqu'un qui fait des crises de panique, mettons... Il a besoin de parler de ses sensations. Oui, mais une crise de panique, c'est pas tout à fait de la sensation. C'est de l'émotion. La sensation, je vous parle de vraies sensations. Les sensations de douleur, d'ankylose, d'anesthésie, toutes ces choses qui relèvent de la sensation corporelle. Mais dans la crise de panique, il y a un côté de sensation. Moi, je n'ai fait 3-4 dans ma vie, puis tu te sens, hein? Oui, mais c'est une... Tu sens, tu sais, dépendamment de ce que tu as, tu peux sentir une paralysie, tu peux sentir que tu ne peux plus respirer. Tu sens dans ton corps. Oui, mais ce sont des sensations qui relèvent de l'émotion. C'est-à-dire, on sait que c'est une crise de panique, on sait que c'est la panique qui provoque ces sensations. Donc, on n'a pas de difficulté. Oui, mais quand on en fait une crise de panique la première fois, on ne sait pas. Je veux bien le croire, oui. Parce que je ne sais pas de quoi on discute, là. Mais... Non, mais c'est comme si... Moi, c'était plus l'idée de dire que j'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui intéressait pas le thérapeute, les sensations. Mais c'est pas... Je crois que c'est un peu plus... Comme je travaille dans ce centre de crise, il y a plusieurs orientations. Mm-hmm. Et surtout psychanalytique, tout le monde. Mm-hmm. Il y a comme une sorte de... Le privilège de la parole dite. Okay, je comprends. Et si parfois la personne a des sensations, mais il n'y a pas la place à ça, c'est pas intéressant pour le, parce que ce sont pas des sensations liées, par exemple, à une chose très massive, je dirais comme un état panique. Mais parfois, il y a des choses très subtiles qui viennent, qui sont là, qui viennent, et les thérapeutes ne parlent pas sur ça, ils ne font pas question sur ça, il n'y a aucune chose qui vient. Ou la personne le dit, mais ils vont prendre surtout les choses qui viennent du côté d'une élaboration, plus métonymique, la parole, des choses comme ça. Peut-être le thérapeute, ce que lui va retenir, c'est comme la parole sur les sensations. Oui, exactement, exactement. Il y a comme une sorte de... Mais pour le patient, il voit pas ça. Oui, écoutez, je... Le patient ne fait pas nécessairement la différence. Oui, je comprends très bien, mais c'est... D'accord. Mais il ne sera pas porté à parler de ses sensations parce qu'elles ne relèveront pas son avis du transfert, si vous voulez. C'est surtout ça. Et c'est de pouvoir travailler sur ses sensations. Qui est intéressant, c'est-à-dire dans ce cas-là. C'était la douleur, non? C'est ça, c'est surtout la sensation de douleur, là, qui est une sensation souvent variable de la douleur, et c'est de comprendre pourquoi elle est variable et pourquoi elle apparaît là où il n'y a aucune raison pour qu'il y ait de la douleur. C'est surtout ça qui pose problème, si vous voulez. Au fond, comment travailler des organes ou des parties d'organes qui sont pris dans une problématique douloureuse ou d'hyperstimulation ou, c'est ça, au fond, la partie la plus difficile, si vous voulez, parce que on a souvent affaire à ce genre de cas avec des parties d'organes douloureux sans qu'on sache quoi en faire. Enfin, ça ne fait pas partie de notre savoir-faire psychanalytique que de pouvoir traiter avec ce genre de cas. Et bon, mettons qu'avec l'expérience, ce qui est apparu, si vous voulez, c'est que la capacité de contrôle de ce patient-là est perdu pour l'organe en question ou pour cette partie d'organe en question ou pour les émotions et l'organe en question, parce que ce sont en général des patients qui ont une émotivité très forte, c'est-à-dire ou bien ils sont ternes, là, sans émotion, ou bien ils ont une émotion très forte. Et c'est la même chose pour la sensation. C'est-à-dire que la sensation fonctionne en réalité comme l'émotion. C'est-à-dire, ou bien c'est le calme, on sent qu'il y a quelque chose au niveau de la sensation, mais c'est pas douloureux. Et puis à un moment donné, il y a une augmentation de la douleur, sans que ce soit justifié par une agression quelconque. Alors, ce qui apparaît, c'est que le fait d'être traumatisé nous fait perdre la capacité de contrôle sur les émotions et les sensations. C'est-à-dire, il y a comme un meurtre du père qui joue, là. Tu cherches ton stylo. Oui, non, c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire, le traumatisme, si vous voulez, est comme un meurtre du père qui fait que il y a une sorte d'inceste obligatoire qui s'installe. Cet inceste obligatoire, il fonctionne aussi bien au niveau des émotions que au niveau des sensations. C'est-à-dire, ou bien on est sans contact avec l'objet incestuel, ou bien on est en contact avec l'objet incestuel, et alors il n'y a pas de limite dans la stimulation. L'objet incestuel peut nous stimuler à perte de vue. Hein? De la même façon pour la sensation de douleur. La douleur, qui est un objet, qui est le résultat d'un contact avec l'objet incestuel, la douleur peut être stimulée à perte de vue. Alors, ces patients-là, la seule ressource qu'ils ont pour atténuer les débordements émotionnels et les débordements de douleur, c'est de se couper de l'objet. C'est la seule ressource qu'ils ont, qui leur reste. Un peu comme Thèbes qui a fermé ses murailles, comme Édipe qui s'est crevé les yeux. Quand on est dans une situation d'inceste obligatoire, si vous voulez, la seule ressource qui reste, c'est cette fermeture-là. Alors, cette personne dont je vous parlais a vécu son accident d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle était en auto, puis elle était sur le point de cogner quelqu'un en avant d'elle, et alors elle a freiné très très fort, mais elle n'est pas arrivée, elle l'a quand même cogné. Et ce scénario s'est produit deux fois. Alors, dans son fantasme, si vous voulez, revivre l'accident, c'est revivre le moment où elle met le pied sur le frein et puis elle essaye à tout prix de freiner. Et ce phénomène est apparu dans son corps d'une façon très étonnante. Un jour, comme ça, elle n'a plus été capable de bouger son pied ni de le fermer. Il est resté figé dans cette position-là. Et elle me dit, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est resté cette situation-là, son pied figé, là, pendant 24 heures. Et puis elle m'a décrit toutes les sensations qui sont en rapport avec ça. Mais ce n'est qu'entre deux séances que je me suis rendu compte que ce blocage était en fait une remémoration de l'accident. Comme si elle avait revécu l'accident de nouveau. Et puis, bon, 24 heures après, son pied est revenu à la normale. Voilà. Voilà au fond les deux choses que je voulais vous dire. Le fait que la sensation pouvait être on pouvait ne plus être capable d'empêcher la sensation de déborder, la sensation de douleur en particulier. Toutes les cas de fibromyalgie, ça sera un peu... Peut-être. Peut-être, oui. Parce que le rapport au père ne permet plus le contrôle. Alors, on est dans un rapport duel avec la mère incestuelle, si vous voulez. Et on n'a pas le choix que d'être continuellement incestué. Hein, on est tout le temps dans cette situation-là. Voilà, il y a cette question, et puis le fait que il y a une dimension hystérique dans le fait de freiner comme ça et de figer son corps, figer sa jambe. Voilà. Bon, peut-être qu'on pourrait prendre un petit break. C'est... Ah.